merci de votre gentillesse. Je suis très ému. Merci, Patrick. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, merci de votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville. Pour nous, c'est un moment exceptionnel sur cette scène de théâtre que vous connaissez, de danse et de musique, que de pouvoir accueillir aussi un autre art frère à ces trois disciplines, qui est évidemment la littérature. La littérature est d'autant plus avec peut-être là la plus proche de nous aujourd'hui à Paris, avec la présence de Patrick Modiano sur cette scène, ce que je tiens absolument à remercier, à le remercier, puisque je sais que c'est peu de fois, on vient d'en parler ensemble longuement, sur des plateaux de théâtre que sa présence, sur une scène de théâtre. Et on a longuement discuté d'ailleurs de cette salle et de son rapport de frontalité pour celui qui est ici, et où on ne se sent pas toujours protégé par la salle à l'italienne. Mais voilà, je crois que la chose est claire maintenant et elle est faite. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je tiens à remercier bien évidemment France Culture et Olivier Poivre d'Arvor pour ce montage de cette soirée. Et je tiens à rappeler que la relation avec la Maison de la Radio, avec France Culture en particulier, autour de tout ce que nous pouvons inventer ensemble, la présence, la réactivité aussi de France Culture avec nous sur ce plateau pour inventer des moments communs comme les chantiers d'Europe, pour parler de l'Europe, de la littérature, du théâtre, de tous les arts ensemble. Et pour nous, avec vous Olivier, avec la Maison de la Radio, je tiens à remercier aussi la présence de Mathieu Gallet, le patron général de la grande maison de la radio de France aujourd'hui, de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Je voudrais vous dire aussi que c'est des initiatives qui permettent tant au Théâtre de la Ville, mais aussi, comme je l'ai dit, à France Culture, à vous, spectateurs, spectatrices, qu'on se retrouve dans des moments qui sont, je dirais, hors programmation, puisque c'est des événements qui sont plus liés à une volonté de réagir à des événements du monde. Vous savez qu'on y est très attentif, qu'ils soient des événements quelquefois politiques, malheureusement, ou malheureusement dans le sens de l'année que nous venons de démarrer. Nous en avons déjà parlé sur cette scène. Il y aura d'autres moments qui nous permettront de nous réunir, mais aussi des moments de joie et de bonheur autour des arts et de la culture. Donc je remercie cette réactivité, cette manière de faire, une fois de plus, avec la radio, avec nos partenaires et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent. Et évidemment, je salue la maire de Paris en la présence de Anne Hidalgo, qui a montré le désir immédiat d'être présent, d'accompagner, et nous savons que c'est sincère. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Je vous remercie à tous et je passe la parole à la maire de Paris. Merci. Merci beaucoup, merci Emmanuel, merci à vous. D'abord, c'est vrai que l'idée de cette soirée est venue après que nous ayons appris, cher Patrick Modiano, que le prix Nobel de littérature vous avait été attribué. C'était une très grande nouvelle, une très belle nouvelle. Et très vite, avec Olivier Poivre d'Arvor, nous avons échangé sur votre rapport à Paris et la nécessité d'avoir un moment avec vous pour justement évoquer votre œuvre dans ce rapport à Paris. Je tiens à dire qu'il y a des écrivains qui sont marqués par une ville et qui marquent une ville. Il y a une histoire tellement forte entre vous, votre œuvre et Paris, que nous ne pouvions pas ne pas nous retrouver ici ce soir. Toute votre œuvre, tous vos romans sont marqués par ces lieux. Et vous donnez à ces lieux une vie liée à ces personnages qui sont dans votre roman, une vie qui se rapproche sans aucun doute aussi de votre propre mémoire, et que ce soit dans les boulevards Ceinture, que ce soit dans La Petite Bijou, que ce soit dans votre dernier roman Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, que ce soit dans la rue des boutiques obscures ou encore Dora Bruder, c'est Paris qui devient aussi un personnage dans vos livres, avec sa propre mémoire, son histoire, et puis vous levez comme ça des pans de cette mémoire oubliée, refoulée, notamment cette mémoire des heures sombres de l'occupation. Et je voulais vous dire que j'ai pris un plaisir immense après le prix qui vous a été décerné, à me replonger dans un certain nombre de vos livres, ce que je n'avais pas fait depuis que j'étais maire de Paris. Et donc, j'en ai relu beaucoup. Et en relisant ces livres, j'ai été émue parce que ce rapport que vous avez à Paris, c'est aussi le rapport d'un promeneur, c'est le rapport de quelqu'un qui ne voit pas les lieux comme des lieux neutres, mais toujours comme des lieux qui sont raccrochés à une mémoire, à une histoire, à des anecdotes, à des signes qui font qu'il y a une belle histoire, une grande histoire que vous racontez avec vos personnages, mais toujours avec Paris comme personnage principal. Et puis, dans cette lecture de ces romans, certains que j'avais lus il y a longtemps et que j'ai relus, j'ai redécouvert Dora Bruder. Et Dora Bruder est tellement à l'image de beaucoup de ces femmes, jeunes femmes, ces enfants, ces jeunes, qui n'ont pas pu avoir d'avenir et à qui vous avez donné une nouvelle vie en racontant cette histoire qui était la sienne. Ce livre m'a énormément émue cette seconde fois où j'ai pu le lire. Et nous avons décidé, j'ai décidé, de donner le nom de Dora Bruder à une rue de Paris, à proximité des lieux où elle se trouvait, dans le 18e arrondissement. Et donc, nous aurons l'occasion et nous inviterons bien sûr très largement les Parisiens, les amoureux de Paris, les amoureux de Patrick Modiano, parce que c'est aussi grâce à lui que ce travail a pu être fait, pour donner ce nom de Dora Bruder à cette rue de Paris qui lui redonnera encore un peu plus de vie, en tous les cas de présence parmi les vivants. Et dans notre mémoire collective, je voulais vous dire merci. Merci, Patrick Modiano. D'habitude, j'improvise, mais là, je me suis dit quand même, il ne faut pas que je bafouille, parce que ça pourrait être communicatif, hein. Donc, je ne voulais pas vous mettre en difficulté. Donc, j'ai écrit. Puis j'ai vu d'ailleurs que votre discours de Stockholm, vous l'aviez écrit. Donc, tout ça a commencé le 9 octobre dernier, quand, en effet, après l'annonce du prix Nobel de littérature, il nous a paru évident à France Culture et à Radio France, avec Mathieu Gallet, notre PDG, que je salue ici ce soir, et puis évidemment Anne Hidalgo, notre amie, que nous devions vous rendre cet hommage, Patrick, cher Patrick. Et si il ne devait y avoir qu'un seul grand rendez-vous public que vous pouviez accepter, c'était Paris qui devait vous le proposer. Vous auriez pu dire non, mais vous avez dit oui, et on voudrait vous remercier vraiment beaucoup d'être là ce soir, dans un exercice qui ne vous est pas familier, vous qui êtes plutôt économe, le mot est un peu faible, de ce genre d'apparition publique. Voilà. Vous disiez d'ailleurs, en commençant votre discours de réception du prix à Stockholm le 7 décembre dernier, et je vous cite, « C'est la première fois, disiez-vous, que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée, ils étaient 300, et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice, mais un écrivain, vous nous rappelez, ou tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. » Alors, nous épargnerons le discours ce soir, mais pas nécessairement l'appréhension, d'autant plus qu'à vue d'œil, l'Assemblée du Théâtre de la Ville, dont je salue et je remercie son directeur, Emmanuel de Marcimota, de nous accueillir, est beaucoup plus nombreuse qu'à Stockholm. Voilà. Bon, donc c'est pour nous un moment unique et rare, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, vous rappeliez aussi dans ce discours de Stockholm quelque chose d'important, c'est que vous appartenez à une génération, qui est un peu la nôtre d'ailleurs aussi, où on ne laissait pas parler les enfants, sauf s'ils en demandaient la permission, mais alors qu'on ne les écoutait pas, qu'en général on leur coupait la parole. Et je vous cite encore, vous dites « Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitants, tantôt trop rapides, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où sans doute, dites-vous, ce désir d'écrire qui m'a pris. » Comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance, vous espérez que les adultes vous liront, mais ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils auront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. Alors, je ne crois pas que nous nous sentions obligés ce soir, loin de là. Nous sommes ici parce que nous vous aimons, parce que nous aimons vos textes très sincèrement, votre univers, votre art unique de l'intériorité, de la nuance, de la répétition, et puis votre magnifique recherche de cette jeunesse perdue. Et puis nous aimons évidemment qu'avec vous, Paris, notre ville, soit au cœur de la littérature, une littérature mondiale, que cette capitale n'a pas cessé d'accueillir et de traduire, et ce depuis très longtemps. D'ailleurs, vous associant à la marche contre le terrorisme, vous avez ainsi salué ces victimes qui sont devenues des héros, dites-vous, à notre place. Vous avez salué ce Paris et cette France meurtrie, ce Paris courageux face à une violence inouïe. Votre œuvre raconte pourtant autre chose, une catastrophe, certes, mais une catastrophe en douceur, ces fameux plis sinueux des grandes capitales dont parlait Baudelaire. Vous n'avez jamais cessé cette enquête sur Paris. Vous êtes né, ce Paris de l'occupation, le lieu d'un crime, celui d'une nuit originelle. Et comme Georges Perec, votre, entre guillemets, tentative d'épuisement d'un lieu parisien paraît vouée à vous lire d'un livre à l'autre, au recommencement, renvoyant toujours à cette capitale jamais complètement découverte, des mystères de Paris, de Gensu. Et finalement, comme Dickens avec Londres, comme Dostoïevski avec Saint-Pétersbourg, vous êtes probablement, et je crois que nous mesurons nos mots ici à France Culture, en tout cas, et à Radio France, avec Balzac, l'écrivain qui doit le plus à Paris et à qui Paris doit le plus. Alors, s'agissant de Paris, vous avez souvent témoigné de votre fascination pour les annuaires, on sait bien, les vieux annuaires, avec leur adresse, numéro de téléphone, et votre œuvre, sans avoir tout à fait la précision d'un de ces petits volumes rouges du plan de Paris par arrondissement édité par Lecomte, nous permet cependant de nous situer dans une imagère géographique hors norme. Je ne citerai pas toutes les rues, il y en a des dizaines et des dizaines que votre œuvre égrène. Et je me suis un peu inquiété avec Emmanuel de Marcimota pour connaître cette œuvre, de ne jamais rencontrer le théâtre de la ville. Mais élargissant un peu ma recherche, j'ai tout de même trouvé la place du Châtelet. Alors nous voilà rassurés, grâce à vous, Nobel, éternité, la gloire enfin garantie pour une des belles places de Paris. Et c'est dans votre deuxième roman, La Ronde de Paris, peut-être vous ne vous souvenez pas, en 69, que la place du Châtelet bénéficie de 8 occurrences quand même. Alors je n'en citerai qu'une, qui est quand même la plus mystérieuse, parce que vous dites, vous commencez, vous dites place du Châtelet, le café Zélise, où le lieutenant et Saint-Georges doivent me retrouver à minuit. Quelle contenance adopterai-je quand ils marcheront vers moi ? Écrivez-vous. Alors, le café Zélise, où diable avez-vous trouvé celui-là ? Nous connaissons le Sarah Bernard, le Mistral. Alors, il y a le Zimmer, mais le Zélise, non. Alors, on a cherché à France Culture ce matin sur Internet, parce que nous avons Internet à France Culture depuis peu. Et en effet, il y a un café Zélise qui existe. Non, c'est pas là, parce qu'il est répertorié. En fait, il est à Highfields, dans le Queensland, en Australie. C'est un peu loin du Paris de l'occupation, mais tout de même, quand on se renseigne, la page d'internet dit « The Zélise Café at Highfields no longer exists ». Et on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de modianesque là. Hein. Comme le Grand Condé, voilà, le Zélise restera donc le café de notre perdu notre jeunesse amnésique. Mais voilà que me revient un autre fin modianesque, et je voulais la citer, je ne sais pas si elle est dans la salle, celle d'une autre modiano, de Marie la chanteuse, qui dans son album Espérance mathématique a écrit une chanson qui s'appelle justement Place du Châtelet. La place du Châtelet, je ne peux pas chanter, mais la place du Châtelet n'est pas gaie. Et bien que l'on n'aime pas, on y vient parfois quémander un dernier rendez-vous quand on aime d'un amour malheureux. La place du Châtelet ne vous ouvre pas les bras, tant pour que vous vous y blottissiez, indifférente, elle vous laisse attendre à la sortie du métro, glaciale, elle exhibe fièrement ses programmes de ces deux théâtres, chante Marie, sans avoir imaginé qu'un jour son père serait au programme de l'un d'entre eux. Voilà. Ce jour est arrivé, et France Culture vous aime depuis longtemps, le 10 octobre 2014, quand nous avions fait ce long marathon organisé par Sandrine Trenner, vous nous aviez accordé à Christophe Onedibio votre premier grand entretien, et je voudrais vraiment beaucoup la remercier, Sandrine ici présente, notre directrice des programmes, car elle a cette passion de votre littérature et elle a porté ce projet depuis le début. Je veux aussi remercier Antoine Gallimard, qui est quelque part ici, votre éditeur et ami. Et puis, je dois remercier évidemment les deux très grands acteurs qui vous accompagnent ce soir sur scène. Catherine Deneuve, notre prix Nobel de cinéma, elle aussi très rare dans l'exercice de la lecture à voix haute, qui a accepté par amitié de lire un extrait de Dora Bruder, et remercier enfin l'indispensable Samy Frey qui va prêter sa voix maintenant à la lecture de Dans le café de la jeunesse perdue et un peu après pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Merci à vous tous et bon courage Patrick. la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Guy Debord. Dans le café de la jeunesse perdue. Des deux entrées du café, elle empruntait toujours la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de l'ombre. Elle choisissait la même table au fond de la petite salle. Les premiers temps, elle ne parlait à personne. Puis elle a fait connaissance avec les habitués du Condé, dont la plupart avaient notre âge. Je dirais entre 19 et 25 ans. Elle s'asseyait parfois à leur table, mais le plus souvent, elle était fidèle à sa place, tout au fond. Elle ne venait pas à une heure régulière. Vous la trouviez assise là, très tôt le matin, ou alors elle apparaissait vers minuit et restait jusqu'au moment de la fermeture. C'était le café qui fermait le plus tard dans le quartier avec le bouquet et la pergola. Et celui dont la clientèle était la plus étrange. Je me demande, avec le temps, si ce n'était pas sa seule présence qui donnait à ce lieu et à ces gens leur étrangeté. Comme si elle les avait imprégnés tous de son parfum. Supposons que l'on vous ait transporté là, les yeux bandés, que l'on vous ait installé à une table, enlevé le bandeau et laissé quelques minutes pour répondre à la question « Dans quel quartier de Paris êtes-vous ?» Il vous aurait suffi d'observer vos voisins et d'écouter leurs propos et vous auriez peut-être deviné. Dans les parages du carrefour de l'Odéon, que j'imagine toujours aussi morne, sous la pluie. Un photographe était entré un jour au Condé. Rien dans son allure ne le distinguait des clients, le même âge, la même tenue vestimentaire négligée. Il portait une veste trop longue pour lui, un pantalon de toile et de grosses chaussures militaires. Il avait pris de nombreuses photos de ceux qui fréquentaient le Condé. Il en était devenu un habitué, lui aussi. Et pour les autres, c'était comme s'il prenait des photos de famille. Alors, bien plus tard, elles ont paru dans un album consacré à Paris, avec pour légende les simples prénoms des clients ou leurs surnoms. Et elle figure sur plusieurs de ces photos. Elle accrochait mieux que les autres la lumière, comme on dit au cinéma. De tous, c'est elle que l'on remarque d'abord. En bas de page, dans les légendes, elle est mentionnée sous le prénom de Louki. De gauche à droite, Zacharias, Louki, Tarzan, Jean-Michel, Fred et Ali Chérif. Au premier plan, assise au comptoir, Louki. Derrière elle, Annette, Don Carlos, Mireille, Adamoff et le docteur Valla. Elle se tient très droite, alors que les autres ont des postures relâchées. Celui qui s'appelle Fred, par exemple, s'est endormi, la tête appuyée contre la banquette de Moleskine. Et visiblement, il ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours. Alors, il faut préciser ceci. Le prénom de Louki lui a été donné à partir du moment où elle a fréquenté le Condé. Alors, j'étais là, un soir où elle est entrée vers minuit, et où il ne restait plus que Tarzan, Fred, Zacharias et Mireille, assis à la même table, c'est Tarzan qui a crié « Tiens, voilà Louki !» Alors elle a d'abord paru effrayée, puis elle a souri. Zacharias s'est levé et sur un ton de fausse gravité, « Cette nuit, je te baptise. Désormais, tu t'appelleras Louki. » Et à mesure que l'heure passait et que chacun d'eux l'appelait Louki, je crois bien qu'elle se sentait soulagée de porter ce nouveau prénom. Oui, soulagée. En effet, plus j'y réfléchis, plus je retrouve mon impression du début. Elle se réfugiait ici, au Condé, comme si elle voulait fuir quelque chose, échapper à un danger. Alors, cette pensée m'était venue en la voyant seule, tout au fond, dans cet endroit où personne ne pouvait la remarquer. Et quand elle se mêlait aux autres, elle n'attirait pas non plus l'attention. Elle demeurait silencieuse et réservée, et se contentait d'écouter. Et je m'étais même dit que pour plus de sécurité, elle préférait les groupes bruyants, les grandes gueules. Sinon, elle n'aurait pas été presque toujours assise à la table de Zacharias, de Jean-Michel, de Fred, de Tarzan et de La Houppa. Avec eux, elle se fondait dans le décor. Elle n'était plus qu'une comparse anonyme, de celle que l'on nomme dans les légendes des photos « personne non identifiée » ou, plus simplement, « X ». Oui, les premiers temps au Condé, je ne l'ai jamais vue en tête-à-tête avec quelqu'un. Et puis, il n'y avait aucun inconvénient à ce que l'une des grandes gueules l'appelle Louki à la cantonade, puisque ce n'était pas son vrai prénom. Pourtant, à bien l'observer, on remarquait certains détails qui la différenciaient des autres. Elle mettait à sa tenue vestimentaire un soin inhabituel chez les clients du Condé. Un soir, à la table de Tarzan, d'Ali Chérif et de La Houppa, elle allumait une cigarette et j'avais été frappé par la finesse de ses mains. Et surtout, ses ongles brillaient. Ils étaient recouverts de vernis incolore. Alors ce détail risque de paraître futile. Alors soyons plus graves. Il faut pour cela donner quelques précisions sur les habitués du Condé. Ils avaient donc entre 19 et 25 ans, sauf quelques clients comme Babilé, Adamoff ou le docteur Valla, qui atteignaient peu à peu la cinquantaine, mais on oubliait leur âge. Babilé, Adamoff et le docteur Valla étaient fidèles à leur jeunesse, à ce que l'on pourrait appeler du beau nom mélodieux et désuet de bohème. Alors je cherche dans le dictionnaire bohème, personne qui mène une vie vagabonde, sans règles ni soucis du lendemain. Alors voilà une définition qui s'appliquait bien à celles et à ceux qui fréquentaient le Condé. Or certains comme Tarzan, Jean-Michel, Fred, prétendaient avoir eu affaire de nombreuses fois à la police depuis leur adolescence, et La Houppa s'était échappé à 16 ans de la maison de correction du Bon Pasteur. Mais on était sur la rive gauche, et la plupart d'entre eux vivaient à l'ombre de la littérature et des arts. Moi-même, je faisais des études. Je n'osais pas le leur dire et je ne me mêlais pas vraiment à leur groupe. J'avais bien senti qu'elle était différente des autres. Alors d'où venait-elle avant qu'on lui ait donné son prénom ? Alors souvent, les habitués du Condé avaient un livre à la main qu'ils posaient négligemment sur la table et dont la couverture était tachée de vin, les chants de Maldoror, les illuminations, les barricades mystérieuses. Mais elle, au début, elle avait toujours les mains vides. Et puis elle a voulu sans doute faire comme les autres, et un jour, au Condé, je l'ai surprise, seule, qui lisait. Depuis, son livre ne la quittait pas. Elle le plaçait bien en évidence sur la table quand elle se trouvait en compagnie d'Adamov et des autres, comme si ce livre était son passeport ou une carte de séjour qui légitimait sa présence à leur côté. Mais personne n'y prêtait attention, ni Adamov, ni Babilé, ni Tarzan, ni Laoupa. C'était un livre de poche à la couverture salie, de ceux que l'on achète d'occasion sur les quais et dont le titre était imprimé en grand caractère rouge, « Horizon perdu ». À l'époque, ça ne m'évoquait rien. J'aurais dû lui demander le sujet du livre, mais je m'étais dit bêtement qu'Horizon perdu n'était pour elle qu'un accessoire et qu'elle faisait semblant de le lire pour se mettre au diapason de la clientèle du Condé. Or, cette clientèle, un passant qui aurait jeté un regard furtif de l'extérieur et même appuyé un instant son front contre la vitre, l'aurait prise pour une simple clientèle d'étudiants. Mais il aurait bientôt changé d'avis en remarquant la quantité d'alcool que l'on buvait à la table de Tarzan, de Mireille, de Fred et de Laoupa. Dans les paisibles cafés du quartier latin, on n'aurait jamais bu comme ça. Alors bien sûr, aux heures creuses de l'après-midi, le Condé pouvait faire illusion. Mais à mesure que le jour tombait, il devenait le rendez-vous de ce qu'un philosophe sentimental appelait la jeunesse perdue. Alors pourquoi ce café plutôt qu'un autre ? À cause de la patronne, une Madame Chadli, qui ne semblait s'étonner de rien et qui manifestait même une certaine indulgence pour ses clients. Alors bien des années plus tard, alors que les rues du quartier n'offraient plus que des vitrines de boutiques de luxe et qu'une maroquinerie occupait l'emplacement du Condé, j'ai rencontré Madame Chadli sur l'autre rive de la Seine, dans la montée de la rue Blanche. Elle ne m'a pas tout de suite reconnu. Nous avons marché un long moment côte à côte en parlant du Condé. Son mari, un Algérien, avait acheté le fonds après la guerre. Elle se souvenait des prénoms de nous tous. Elle se demandait souvent ce que nous étions devenus, mais elle ne se faisait guère d'illusions. Elle avait su dès le début que cela tournerait très mal pour nous. Des chiens perdus, m'a-t-elle dit. Et au moment de nous quitter devant la pharmacie de la Place Blanche, elle m'a confié, en me regardant droit dans les yeux, « Moi, celle que je préférais, c'était Louki. » Quand elle était à la table de Tarzan, de Fred et de Laoupa, buvait-elle autant qu'eux ou faisait-elle semblant pour ne pas les fâcher? En tout cas, le buste droit, les gestes lents et gracieux, le sourire presque imperceptible, elle tenait rudement bien l'alcool. Alors au comptoir, il est plus facile de tricher, vous profitez d'un moment d'inattention de vos amis ivrognes pour vider votre verre dans l'évier. Mais là, à l'une des tables du Condé, c'était plus difficile. Ils vous forçaient à les suivre dans leur beuverie. Ils se montraient là-dessus d'une extrême susceptibilité et vous considéraient comme indigne de leur groupe si vous ne les accompagniez pas jusqu'au bout de ce qu'ils appelaient leur voyage. Quant aux autres substances toxiques, j'avais cru comprendre, sans en être sûr, que Louki en usait avec certains membres du groupe. Pourtant, rien dans son regard et son attitude ne laissait supposer qu'elle visitait les paradis artificiels. Je me suis souvent demandé si l'une de ses connaissances lui avait parlé du Condé avant qu'elle y entre pour la première fois, ou si quelqu'un lui avait donné rendez-vous dans ce café et n'était pas venu. Alors, elle se serait postée jour après jour, soir après soir, à sa table, en espérant le retrouver dans cet endroit qui était le seul point de repère entre elle et cet inconnu. Aucun autre moyen de le joindre, ni adresse, ni numéro de téléphone, juste un prénom. Mais peut-être avait-elle échoué là par hasard. Comme moi, Elle se trouvait dans le quartier et elle voulait s'abriter de la pluie. J'ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attirés vers eux si vous marchez dans leur parage. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d'une rue en pente, d'un trottoir ensoleillé ou bien d'un trottoir à l'ombre, ou bien d'une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que, si l'on faisait un calcul de probabilité, le résultat l'aurait confirmé. Dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. Ben, j'en sais quelque chose. L'un des membres du groupe Boeing, celui que nous appelions le capitaine, s'était lancé dans une entreprise que les autres avaient approuvée. Il notait, depuis bientôt 3 ans, les noms des clients du Condé au fur et à mesure de leur arrivée, avec chaque fois la date et l'heure exacte. Il avait chargé 2 de ses amis de la même tâche au bouquet et à la pergola qui restait ouverte toute la nuit. Malheureusement, dans ces 2 cafés, les clients ne voulaient pas toujours dire leur nom. Au fond, Boeing cherchait à sauver de l'oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d'une lampe. Il rêvait, disait-il, d'un immense registre où auraient été consignés les noms des clients de tous les cafés de Paris depuis 100 ans, avec mention de leur arrivée et de leur départ successifs. Il était hanté par ce qu'il appelait les points fixes. Dans ce flot ininterrompu de femmes, d'hommes, d'enfants, de chiens qui passent et qui finissent par se perdre au long des rues, on aimerait retenir un visage de temps en temps. Oui, selon Boeing, il fallait au milieu du maelstrom des grandes villes trouver quelques points fixes. Avant de partir pour l'étranger, il m'avait donné le cahier où sont répertoriés jour par jour pendant 3 ans les clients du Condé. Elle n'y figure que sous son prénom d'emprunt, Lucky, et elle est mentionnée pour la première fois un 23 janvier. Alors l'hiver de cette année-là était particulièrement rigoureux et certains de nous ne quittaient pas le Condé de toute la journée pour se protéger du froid. Le capitaine notait aussi nos adresses de sorte que l'on pouvait imaginer le trajet habituel qui nous menait chacun jusqu'au Condé. Alors, c'était encore une manière pour Boeing d'établir des points fixes. Alors, il ne mentionne pas tout de suite son adresse à elle, c'est seulement un 18 mars que nous lisons 14 heures, Lucky, 16 rue Fermat, 14e arrondissement, mais le 5 septembre de la même année, elle a changé d'adresse, 23h40, Lucky, 8 rue Selle, 14e arrondissement. Alors je suppose que Boeing, sur de grands plans de Paris, dessinait nos trajets jusqu'au Condé, et que pour cela, le capitaine se servait de stylo-bille d'encre différente. Alors peut-être voulait-il savoir si nous avions une chance de nous croiser les uns les autres avant même d'arriver au but. Ah justement, je me souviens d'avoir rencontré Lucky un jour dans un quartier que je ne connaissais pas et où j'avais rendu visite à un cousin lointain de mes parents. En sortant de chez lui, je marchais vers la station du métro Porte-Maillot et nous nous sommes croisés tout au bout de l'avenue de la Grande Armée. Je l'ai dévisagé. Et elle aussi m'a fixé d'un regard inquiet, comme si je l'avais surprise dans une situation embarrassante. Je lui ai tendu la main. « On s'est déjà vu au Condé », lui ai-je dit. Et ce café m'a semblé brusquement à l'autre bout du monde. Elle a eu un sourire gêné. « Mais oui, au Condé. » C'était peu de temps après qu'elle y avait fait sa première apparition. Elle ne s'était pas encore mêlée aux autres et Zacharias ne l'avait pas encore baptisée Louki. Drôle de café, hein ? Le Condé. Elle a eu un hochement de tête pour m'approuver. Nous avons fait quelques pas ensemble et elle m'a dit qu'elle habitait par ici mais qu'elle n'aimait pas du tout ce quartier. C'est idiot, j'aurais pu savoir ce jour-là son vrai prénom. Puis nous nous sommes quittés à la porte Maillot, devant l'entrée du métro, et je l'ai regardée qui s'éloignait vers Neuilly et le bois de Boulogne, d'une démarche de plus en plus lente, comme pour laisser à quelqu'un l'occasion de la retenir. Alors j'ai pensé qu'elle ne reviendrait plus au Condé et que je n'aurais plus jamais de ses nouvelles. Elle disparaîtrait dans ce que Bowing appelait l'anonymat de la grande ville, contre quoi il prétendait lutter en remplissant de noms les pages de son cahier. Un Clairefontaine, à couverture rouge plastifiée de 190 pages. Pour être franc, cela n'avance pas à grand-chose. Si on feuillette le cahier, à part des noms et des adresses fugitives, on ne sait rien de toutes ces personnes, ni de moi. Sans doute le capitaine jugeait-il que c'était déjà beaucoup de nous avoir nommés et fixés quelque part. Pour le reste, au Condé, nous ne nous posions jamais de questions les uns aux autres concernant nos origines. Nous étions trop jeunes. Nous n'avions pas de passé à dévoiler. Nous vivions au présent. Même les clients plus âgés, Adamov, Babilé ou le docteur Valla, ne faisaient jamais aucune allusion à leur passé. Ils se contentaient d'être là, parmi nous. Ce n'est qu'aujourd'hui, après tout ce temps, que j'éprouve un regret. J'aurais voulu que Bowing soit plus précis dans son cahier et qu'il ait consacré à chacun une petite notice biographique. Alors croyait-il vraiment qu'un nom et une adresse suffiraient plus tard à retrouver le fil d'une vie ? Et surtout un simple prénom, qui n'est pas le vrai. Louki, 12 février, 23 heures. Louki, 28 avril, 14 heures. Il indiquait aussi les places qu'occupaient chaque jour les clients autour des tables. Et quelquefois, il n'y a même pas de nom ni de prénom. À trois reprises, le mois de juin de cette année-là, il a noté Louki avec le brun à veste de daim. Alors, il ne lui a pas demandé son nom à celui-là. Ou bien l'autre a refusé de répondre. Alors, apparemment, ce type n'était pas un client habituel. Le brun à veste de daim s'est perdu pour toujours dans les rues de Paris et Bowing n'a pu que fixer son ombre quelques secondes. Et puis il y a des inexactitudes dans son cahier. J'ai fini par établir des points de refaire qui me confirment dans l'idée qu'elle n'est pas venue pour la première fois au Condé en janvier, comme le laisserait croire Bowing. J'ai un souvenir d'elle bien avant cette date-là. Le capitaine ne l'a mentionné qu'à partir du moment où les autres l'ont baptisé Louki et je suppose que jusque-là, il n'avait pas remarqué sa présence. Elle n'a même pas eu droit à une vague notice du genre 14 heures, une brune aux yeux verts, comme pour le brun à veste de daim. C'est en octobre de l'année précédente qu'elle a fait son apparition. J'ai découvert dans le cahier du capitaine un point de repère, 15 octobre, 21 heures, anniversaire de Zacharias, à sa table Ahmed, Don Carlos, Mireille Laoupa, Fred Adamov. Je m'en souviens parfaitement. Elle était à leur table. Alors pourquoi Bowing n'a-t-il pas eu la curiosité de lui demander son nom ? Les témoignages sont fragiles et contradictoires. Mais je suis sûr de sa présence ce soir-là. Tout ce qui la rendait invisible au regard de Bowing m'avait frappé. Sa timidité, ses gestes lents, son sourire. Et surtout son silence. Elle se tenait à côté d'Adamov, Peut-être était-ce à cause de lui qu'elle était venue au Condé. J'avais souvent croisé Adamov dans les parages de l'Odéon et plus loin dans le quartier de Saint-Julien-le-Pauvre. Chaque fois, il marchait la main appuyée sur l'épaule d'une jeune fille. Un aveugle qui se laisse guider. Et pourtant, il avait l'air d'observer tout, de son regard de chien tragique. Et chaque fois, me semblait-il, c'était une jeune fille différente qui lui servait de guide ou d'infirmière. Ah, pourquoi pas elle ? Eh bien, justement, cette nuit-là, elle est sortie du Condé avec Adamov. Je les ai vus descendre la rue déserte vers l'Odéon, Adamov la main sur son épaule et avançant de son pas mécanique. On aurait dit qu'elle avait peur d'aller trop vite. Et parfois, elle s'arrêtait un instant comme pour lui faire reprendre souffle. Au carrefour de l'Odéon, Adamov lui a serré la main d'une manière un peu solennelle. Puis elle s'est engouffrée dans la bouche du métro. Il a repris sa marche de somnambule tout droit vers Saint-André-des-Arts. Et elle... Oui, elle a commencé à fréquenter le Condé en automne. Et cela n'est sans doute pas le fait du hasard. Pour moi, l'automne n'a jamais été une saison triste. Les feuilles mortes et les jours de plus en plus courts ne m'ont jamais évoqué la fin de quelque chose, mais plutôt une attente de l'avenir. Il y a de l'électricité dans l'air à Paris, les soirs d'octobre, à l'heure où la nuit tombe, même quand il pleut. Je n'ai pas le cafard à cette heure-là, ni le sentiment de la fuite du temps. J'ai l'impression que tout est possible. L'année commence au mois d'octobre. C'est la rentrée des classes et je crois que c'est la saison des projets. Alors, si elle est venue au Condé en octobre, c'est qu'elle avait rompu avec toute une partie de sa vie et qu'elle voulait faire ce qu'on appelle dans les romans « peau neuve ». D'ailleurs, un indice me prouve que je ne dois pas avoir tort. Au Condé, on lui a donné un nouveau prénom. Et Zacharias, ce jour-là, a même parlé de baptême. Une seconde naissance, en quelque sorte. Bonsoir, donc, Patrick Modiano. Bonsoir. Merci, Samy Frère. Merci. Nous venons d'entendre donc les 20-25 premières pages de Dans le café de la jeunesse perdue, qui était paru en 2007. Oui, oui, ça m'a fait beaucoup d'émotion, parce que j'avais l'impression que j'avais écrit une partition un peu qui était un peu floue avec des ratures et... que Samy Frey a mis tous les temps, toutes les interprétations, qu'il a été comme un... qui m'a fait découvrir le texte, en fait. Que je voyais d'une manière un peu confuse. C'est la grâce des grands lecteurs. En fait, il faudrait vous relire toute votre œuvre. On resterait là, ça durerait des jours et des jours, et on réécouterait tout. Oui, ça m'a... Il m'a rendu peut-être dans la confusion que j'avais du texte, où il me l'a fait découvrir, en fait. Anne Hidalgo disait dans notre introduction que Paris était chez vous un personnage. Quelle est la différence finalement entre Paris personnage et Paris simplement décor ou motif géographique? C'est-à-dire que, oui, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un simple décor, ça a toujours été quelque chose d'un peu intérieur, parce que il était lié à non seulement à des événements de ma vie ou de mon enfance, de mon adolescence, mais aussi à des événements, à des gens que je n'avais pas forcément connus, mais à force de, comment dirais-je, à force de faire des espèces de promenades comme ça, c'était pas des promenades, c'était plutôt de déambulation, comme j'arrive, il y avait une sorte de, je m'incorporais aux rues et aux façades d'immeubles, un peu comme la plupart des romanciers essayent de se fondre un peu dans le décor ou dans la vie des autres. Et donc, c'était plutôt quelque chose qui me... Alors, il surgissait des... Ça me donnait une sorte d'inspiration. C'est-à-dire, je sentais la présence de gens que je n'avais pas forcément connus. Je m'incorporais complètement je me fondais dans le décor, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que chez vous, Paris est un espace-temps, c'est-à-dire ni simplement une géographie, ni simplement des moments historiques, mais les deux totalement imbriqués? Oui, les deux sont imbriqués parce qu'au fond, chaque carrefour, chaque rue vous rappelle un souvenir au bout d'un certain nombre d'années, évidemment, vous rappelle votre propre vie. Et donc, il y a une sorte. Vous avez l'impression que vous. Que cette ville, finalement, est un peu vous-même, en fait. Que vous n'avez pas d'existence presque individuelle, que vous êtes incorporé à certaines rues, à certains carrefours. Est-ce que Paris vous a aidé à écrire dans le texte que Samy Frey nous a lu? Oui. On a entendu à plusieurs reprises cette expression des points fixes. Alors est-ce que finalement ces points de repère que sont les rues, la scansion du nom des rues, les espaces, c'est finalement une manière d'écrire plus facilement et même de se déplacer plus facilement et dans la vie et dans l'écriture? Oui, quand je l'ai entendu lire ce texte, ça m'a brusquement ce dont je n'avais pas tout à fait conscience en l'écrivant, parce que finalement quand on écrit on est un peu, on voit les choses de trop près, on ne voit pas l'ensemble. Ça m'a rappelé certaines choses, pourquoi j'avais écrit ce. C'était lié à certains souvenirs d'enfance où, en l'absence de mes parents, il y avait une fille qui mes parents étaient toujours absents, et donc il y avait une fille qui était aux Beaux-Arts, elle m'entraînait toujours avec elle, elle venait me chercher à l'école, mais elle m'entraînait aussi dans des cafés où elle retrouvait ses amis, et donc je la suivais un peu partout et j'avais pas tout à fait conscience de ça au moment d'écrire son livre. C'est au moment où j'ai entendu la lecture de Samy Frey que brusquement ça m'a tout m'est revenu des choses qu'on n'ose pas. C'est-à-dire quand on écrit, évidemment, on écrit dans une sorte d'inconscience et on voit les choses d'une manière fragmentaire, comme ça on n'a pas le... Et en entendant le texte, j'ai retrouvé tout ce qui me frappait. C'est-à-dire que c'était évidemment des situations un peu bizarres pour un enfant d'être entraîné à l'époque dans ces cafés qui étaient un peu bizarres, il faut bien le dire. C'était dans les années... c'était dans les années 53-54, et donc brusquement j'ai retrouvé cette espèce de souvenir dont je n'avais pas vraiment conscience quand j'écrivais le livre. C'est au moment quand j'ai entendu la manière dont il marquait les temps, et, enfin, tout ça m'a rejailli à la mémoire. Alors, le Café de la Jeunesse Perdue, on l'a entendu, il se situe quelque part au centre du quartier latin. Et puis ensuite, oui. Le roman va monter vers le nord, vers Pigalle, vers la place de Clichy, qui sont très présents. Pour vous, quel serait le cœur romanesque de Paris? Quel est son centre romanesque? Il y a plusieurs centres, il y a même des quartiers périphériques qui peuvent avoir une sorte de puissance centrale comme ça. Alors c'est très divers, ça peut être même des quartiers périphériques, cette zone un peu bizarre que j'ai connue aussi quand le périphérique n'existait pas vraiment, aux confins du 17e, de Levallois, où il y avait des rues comme ça qui étaient où s'alignaient uniquement des garages, ces zones un peu intermédiaires qui existaient à la périphérie. Ça peut être aussi quelque chose de très central, bizarrement, et puis aussi d'autres quartiers. La plupart des quartiers, les années passent évidemment et on finit par avoir des souvenirs dans n'importe quel quartier de Paris, et tous sont centraux dans votre mémoire en fait. Et ça se superpose, c'est-à-dire le Paris romanesque et votre Paris personnel, ce sont les mêmes? C'est-à-dire, évidemment, on est toujours prisonnier d'un Paris qui vous a frappé dès l'enfance ou l'adolescence, mais ce Paris-là devient une sorte de Paris intérieur et il est même visible derrière le Paris du présent, parce qu'il y a encore des espèces, un éclat ou des ondes qui arrivent à tout ça. Au fond, il ne s'agit pas de nostalgie, tout devient un peu intemporel, c'est-à-dire que le Paris d'aujourd'hui, le Paris de 2014, qui a beaucoup changé dans certains quartiers, n'empêche pas que le Paris qui vous avait frappé dans vos premières émotions que vous avez eues dans ce Paris forme quelque chose de magnétique derrière, et tout se mélange finalement. Il n'est pas question tellement de nostalgie, mais les temps finissent par devenir transparents les uns aux autres, et donc dans certains quartiers qui ont même totalement disparu, il y a toujours une sorte d'onde, il y a toujours une sorte de... On sent quand même... Et tout finit par se mêler. D'ailleurs, c'est un peu parallèle aux années qui passent, où on vieillit soi-même. Tout finit par se... En fait, tout finit par se mêler, en fait. On a entendu quelques phrases magnifiques sur l'automne à Paris, sur le mois d'octobre, à l'époque où l'école reprenait en octobre. Est-ce que l'automne serait une saison qui serait pour vous particulièrement féconde sur le plan littéraire? Pas forcément féconde sur le plan littéraire, mais il y a toujours quelque chose. C'est vrai que chaque saison a un caractère particulier. J'avais toujours été frappé quand on disait que l'automne était une saison un peu triste, parce que il y a quand même quelque chose d'électrique dans l'automne. Enfin, c'est peut-être que c'est une impression personnelle, mais il y a toujours quelque chose de une électricité. Après, évidemment, ça s'atténue un peu, mais avec l'hiver, tout ça. Mais il y a toujours une sorte. Ça m'a toujours frappé, le octobre. Il y a toujours une sorte d'électricité dans l'air, mais c'est peut-être une impression personnelle, en fait. Vous qualifiez Guy Debord de philosophe sentimental au début du Café de la Jeunesse Perdue. Est-ce que vous êtes, Patrick Modiano, un écrivain sentimental? Oui, bien sûr. Sentimental. Oui, il y a toujours quelque chose de sentimental. C'est une ville qui vous rappelle tellement de choses que c'est difficile de l'ordre du sentiment. Donc, c'est difficile d'avoir une sorte de froideur vis-à-vis de cette ville. Alors, on va continuer à voyager dans cette ville. Samy Fray va nous lire un extrait, dès le début d'ailleurs, de votre dernier roman, paru à l'automne 2014, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Je ne puis pas donner la réalité des faits. Je n'en puis représenter que l'ombre. Stendhal. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Presque rien. Comme une piqûre d'insecte qui vous semble d'abord très légère. Du moins, c'est ce que vous vous dites à voix basse pour vous rassurer. Le téléphone avait sonné vers 4 heures de l'après-midi chez Jean d'Aragane, dans la chambre qu'il appelait le bureau. Il s'était assoupi sur le canapé du fond, à l'abri du soleil. Et ces sonneries qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre depuis longtemps ne s'interrompaient pas. Alors pourquoi cette insistance ? À l'autre bout du fil, on avait peut-être oublié de raccrocher. Enfin, il se leva et se dirigea vers la partie de la pièce près des fenêtres, là où le soleil tapait trop fort. J'aimerais parler à monsieur Jean d'Aragane. Une voix molle et menaçante. Ce fut sa première impression. Monsieur d'Aragane, vous m'entendez ? D'Aragane voulut raccrocher. Mais à quoi bon ? Les sonneries reprendraient sans jamais s'interrompre. Et à moins de couper définitivement le fil du téléphone, lui-même, c'est au sujet de votre carnet d'adresse, monsieur. Il l'avait perdu le mois dernier dans un train qui l'emmenait sur la Côte d'Azur. Oui, ce ne pouvait être que dans ce train. Le carnet d'adresse avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur. J'ai trouvé un carnet d'adresse à votre nom. Sur sa couverture grise était écrit « En cas de perte, renvoyez ce carnet à » et d'Aragane, un jour machinalement, y avait écrit son nom, son adresse et son numéro de téléphone. « Je vous le rapporte à votre domicile le jour et l'heure que vous voudrez. » Oui. Décidément, une voix molle et menaçante. Et même, pensa d'Aragane, un ton de maître chanteur. Alors, je préférerais que nous nous rencontrions à l'extérieur. Il avait fait un effort pour surmonter son malaise, mais sa voix, qu'il aurait voulu indifférente, lui sembla brusquement une voix blanche. Comme vous voudrez, monsieur. Il y eut un silence. C'est dommage. Je suis tout près de chez vous, j'aurais aimé vous le remettre en main propre. Alors d'Aragane se demanda si l'homme ne se tenait pas devant l'immeuble et s'il ne resterait pas là en guettant sa sortie. Il fallait se débarrasser de lui au plus vite. Mais voyons-nous demain après-midi, finit-il par dire. « Si vous voulez, mais alors près de mon lieu de travail, du côté de la gare Saint-Lazare. » Il était sur le point de raccrocher, mais il garda son sang-froid. « Vous connaissez la rue de l'Arcade ?» demanda l'autre. « Nous pourrions nous retrouver dans un café, au 42 rue de l'Arcade. » D'Aragane nota l'adresse, il reprit son souffle et dit « Très bien, monsieur, au 42 rue de l'Arcade, demain... » à 5 heures du soir, puis il raccrocha, sans attendre la réponse de son interlocuteur. Il regretta aussitôt de s'être comporté de manière aussi brutale, mais il mit cela au compte de la chaleur qui pesait sur Paris depuis quelques jours, une chaleur inhabituelle pour le mois de septembre. Elle renforçait sa solitude. Elle l'obligeait à rester enfermé dans cette chambre jusqu'au coucher du soleil. Et puis, le téléphone n'avait plus sonné depuis des mois. Et le portable, sur son bureau, il se demanda quand il l'avait utilisé pour la dernière fois. Il savait à peine s'en servir et se trompait souvent quand il appuyait sur les touches. Si l'inconnu n'avait pas téléphoné, il aurait oublié pour toujours la perte de ce carnet. Il tentait de se souvenir des noms qui y figuraient. La semaine précédente, il voulait même le reconstituer et, sur une feuille blanche, il avait commencé à dresser une liste. Et au bout d'un instant, il avait déchiré la feuille. Aucun des noms n'appartenait aux personnes qui avaient compté dans sa vie et dont il n'avait jamais eu besoin de noter les adresses et les numéros de téléphone. Il les savait par cœur. Alors sur ce carnet, rien que des relations dont on dit qu'elles sont d'ordre professionnel. Quelques adresses prétendument utiles, pas plus d'une trentaine de noms. Et parmi eux, plusieurs qu'il aurait fallu supprimer parce qu'ils n'avaient plus cours. La seule chose qui l'avait préoccupé après la perte du carnet, c'était d'y avoir mentionné son nom à lui et son adresse. Alors bien sûr, il pouvait ne pas donner suite et laisser cet individu attendre vainement au 42 rue de l'Arcade. Mais alors, il resterait toujours quelque chose en suspens, une menace. Il avait souvent rêvé, au creux de certains après-midi de solitude, que le téléphone sonnerait et qu'une voix douce lui donnerait rendez-vous. Il se rappelait le titre d'un roman qu'il avait lu, « Le temps des rencontres ». Ah, peut-être ce temps n'était-il pas encore fini pour lui. Mais la voix de tout à l'heure ne lui inspirait pas confiance, à la fois molle et menaçante, cette voix. Oui. Il demanda au chauffeur de taxi de le laisser à la Madeleine. Il faisait moins chaud que les autres jours et l'on pouvait marcher à condition de choisir le trottoir de l'ombre. Il suivait la rue de l'Arcade, déserte et silencieuse sous le soleil. Il ne s'était pas trouvé dans ces parages depuis une éternité. Il se souvint que sa mère jouait dans un théâtre des environs et que son père occupait un bureau tout au bout de la rue, à gauche, au 73 boulevard Haussmann. Il fut étonné d'avoir encore en mémoire le numéro 73. Mais tout ce passé était devenu si translucide avec le temps. Une buée qui se dissipait sous le soleil. Le café était à l'angle de la rue et du boulevard Haussmann, une salle vide, un long comptoir surmonté d'étagères, comme dans un self-service ou un ancien Wimpy. Daragan s'assit à l'une des tables du fond. Alors cet inconnu viendrait-il au rendez-vous ? Les deux portes étaient ouvertes, l'une sur la rue et l'autre sur le boulevard, à cause de la chaleur. De l'autre côté de la rue, le grand immeuble du 73. Il se demanda si l'une des fenêtres du bureau de son père ne donnait pas de ce côté-là. À quel étage ? Mais ses souvenirs se dérobaient à lui au fur et à mesure, comme des bulles de savon ou les lambeaux d'un rêve qui se volatilisent au réveil. Sa mémoire aurait été plus vivace dans le café de la rue des Mathurins. Devant le théâtre, là où il attendait sa mère, aux alentours de la gare Saint-Lazare, une zone qu'il avait beaucoup fréquentée autrefois. Mais non, certainement pas. Ce n'était plus la même ville. Monsieur Jean Daragan, il avait reconnu la voix. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait devant lui, accompagné d'une fille plus jeune que lui, Gilles Ottolini. C'était la même voix, molle et menaçante. Il désignait la fille une amie, Chantal Grippet. Daragan demeurait sur la banquette, immobile, sans même leur tendre la main. Ils s'assirent tous deux, en face de lui. « Alors veuillez nous excuser, nous sommes un peu en retard. » Il avait pris un ton ironique, sans doute pour se donner une contenance. Oui, c'était la même voix, avec un léger, presque imperceptible accent du midi que Daragan n'avait pas remarqué la veille au téléphone. Une peau couleur ivoire, des yeux noirs, un nez aquilin. Le visage était mince, aussi coupant de face que de profil. « Voilà votre bien, » dit-il à Daragan, sur le même ton ironique qui semblait cacher une certaine gêne. Il sortit de la poche de sa veste le carnet d'adresse, il le posa sur la table en le couvrant de la paume de la main, les doigts écartés. On aurait dit qu'il voulait empêcher Daragan de le prendre. La fille se tenait légèrement en retrait, comme si elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle, une brune d'une trentaine d'années, les cheveux mi-longs. Elle portait une chemise et un pantalon noir. Elle jeta un regard inquiet sur Daragan, et à cause de ses pommettes et de ses yeux bridés, il se demanda si elle n'était pas d'origine vietnamienne ou chinoise. Et... « Où avez-vous trouvé ce carnet ?»« Par terre, sous une banquette du buffet de la gare de Lyon. » Il lui tendit le carnet d'adresse, Daragan l'enfonça dans sa poche. En effet, il se souvint que le jour de son départ pour la Côte d'Azur, il était arrivé en avance à la gare de Lyon et qu'il s'était assis au buffet du premier étage. « Vous voulez boire quelque chose ?» demanda le dénommé Gilles Ottolini. Daragan eut envie de leur fausser compagnie. Mais il se ravisa. Un Schweppes. Essaie de trouver quelqu'un pour prendre la commande, ce sera un café pour moi, dit Ottolini en se tournant vers la fille. Celle-ci se leva aussitôt. Apparemment, elle avait l'habitude de lui obéir. Ça devait être gênant pour vous d'avoir perdu ce carnet. Et il sourit d'un drôle de sourire qui semblait à Daragan insolent. C'était peut-être de sa part de la maladresse ou de la timidité. « Vous savez, dit Daragan, je ne téléphone pratiquement plus. » L'autre lui jeta un regard étonné. La fille revenait vers leur table et reprit sa place. « Ils ne servent plus à cette heure, ils vont fermer. » C'était la première fois que Daragan entendait la voix de cette fille, une voix rauque, et qui n'avait pas le léger accent du midi de son voisin, plutôt l'accent parisien, si cela signifie encore quelque chose. « Vous travaillez dans le coin ?» demanda Daragan, « dans une agence de publicité, rue Pasquier, l'agence Svert. Et vous aussi ?» Il s'était tourné vers la fille. « Non !» dit Ottolini, sans laisser le temps de répondre à la fille. « Elle ne fait rien. » pour le moment. Et de nouveau ce sourire crispé. La fille aussi esquissait un sourire. Daragan avait hâte de prendre congé. S'il ne le faisait pas tout de suite, parviendrait-il à se débarrasser d'eux? Je vais être franc avec vous. Il se penchait vers Daragan et sa voix était plus aiguë. Daragan éprouva le même sentiment que la veille au téléphone. Oui, cet homme avait une insistance... d'insectes. Je me suis permis de feuilleter votre carnet d'adresses, une simple curiosité. La fille avait tourné la tête, comme si elle feignait de ne pas entendre. Vous ne m'en voulez pas. Daragan le regarda droit dans les yeux. L'autre soutenait son regard. Pourquoi vous en voudrais-je ? Un silence. L'autre avait fini par baisser les yeux. Puis avec la même voix métallique, il y a quelqu'un dont j'ai trouvé le nom dans votre carnet d'adresses et j'aimerais que vous me donniez des renseignements sur lui. Alors le ton était devenu plus humble. excusez-moi l'indiscrétion. À de qui s'agit-il ? Demanda Daragan, à contre-cœur. Il éprouvait brusquement le besoin de se lever et de marcher à pas rapides vers la porte ouverte sur le boulevard Haussmann et de respirer à l'air libre d'un certain Guy Torstel. Il avait prononcé le prénom et le nom en articulant bien les syllabes comme pour éveiller la mémoire assoupie de son interlocuteur. Vous dites Guy Torstel. Daragan sortit de sa poche le carnet d'adresse et l'ouvrit à la lettre T. Il lut le nom tout en haut de la page, mais ce Guy Torstel n'évoquait rien pour lui. Je ne vois pas qui ça peut être. Vraiment ? L'autre paraissait déçu. Mais il y a un numéro de téléphone à 7 chiffres, dit Daragan. Ça doit dater d'au moins une trentaine d'années. Il tourna les pages. Tous les autres numéros de téléphone étaient bien ceux d'aujourd'hui à 10 chiffres, et ce carnet d'adresses, il ne s'en servait que depuis 5 ans. Ce nom ne vous dit rien ? Non. Quelques années auparavant, il aurait fait preuve de cette amabilité que tout le monde lui reconnaissait. Il aurait dit « Laissez-moi un peu de temps pour éclaircir le mystère », mais les mots ne venaient pas. C'est à cause d'un fait divers sur lequel j'ai réuni pas mal de documentation, reprit l'autre. Ce nom est cité. Voilà. Il paraissait brusquement sur la défensive. Quel genre de fait divers ? Daragan avait posé la question machinalement, comme s'il retrouvait ses vieux réflexes de courtoisie. Un très ancien fait divers. Je voudrais écrire un article là-dessus. Au début, je faisais du journalisme. Vous savez, mais l'attention de Daragan se relâchait. Il devait vraiment leur fausser compagnie au plus vite, sinon cet homme allait lui raconter sa vie. « Alors, je suis désolé, lui dit-il, j'ai oublié ce Torstel. À mon âge, on a des pertes de mémoire. Et je dois malheureusement vous quitter. » Il se leva et leur serra la main à tous les deux. Ottolini lui jeta un regard dur, comme si Daragan l'avait injurié et qu'il était prêt à répliquer d'une manière violente. La fille, elle, avait baissé les yeux. Il marcha vers la porte vitrée grande ouverte qui donnait sur le boulevard Haussmann, en espérant que l'autre ne lui barrerait pas le passage. Dehors, il respira à plein poumon. Quelle drôle d'idée, ce rendez-vous avec un inconnu, lui qui n'avait vu personne depuis 3 mois et qui ne s'en portait pas plus mal. Au contraire. Dans cette solitude, il ne s'était jamais senti aussi léger. Avec de curieux moments d'exaltation le matin ou le soir, comme si tout était encore possible et que, selon le titre du vieux film, l'aventure était au coin de la rue. Jamais, même durant les étés de sa jeunesse, la vie ne lui avait paru aussi dénuée de pesanteur que depuis le début de cet été-là. Mais l'été, tout est en suspens. Une saison métaphysique, lui disait jadis son professeur de philosophie. Maurice Cavin. C'est drôle, il se rappelait le nom de Cavin. Et il ne savait plus qui était ce Torstel. Il y avait encore du soleil, et une légère brise atténuait la chaleur. À cette heure-là, le boulevard Haussmann était désert. Au cours des 50 dernières années, il était souvent passé par là. Et même dans son enfance, quand sa mère l'emmenait un peu plus haut sur le boulevard au grand magasin du printemps. Mais ce soir, cette ville lui semblait étrangère. Il avait largué toutes les amarres qui pouvaient encore le relier à elle. Ou bien c'est elle qu'il avait rejetée. Il s'assit sur un banc et sortit le carnet d'adresse de sa poche. Il s'apprêtait à le déchirer et en éparpiller les morceaux dans la corbeille de plastique vert à côté du banc. mais il hésita. Non, il le ferait tout à l'heure, chez lui, en toute tranquillité. Il feuilleta distraitement le carnet. Parmi ses numéros de téléphone, pas un seul qu'il aurait eu envie de composer. Et puis, les deux ou trois numéros manquants, ceux qui avaient compté pour lui et qu'il savait encore par cœur, ne répondraient plus. Vers 9h du matin, le téléphone sonna, il venait de se réveiller. « Monsieur d'Aragan, Gilles Ottolini. » La voix lui parut moins agressive que la veille. « Je suis désolé pour hier, j'ai l'impression que je vous ai importuné. » Alors le ton était courtois et même déférent. Plus du tout cette insistance d'insecte qui avait tant gêné d'Aragan. Alors hier, j'ai voulu vous rattraper dans la rue, vous êtes parti si brutalement. Un silence. Mais celui-ci n'était pas menaçant. Vous savez, j'ai lu quelques-uns de vos livres, en particulier « Le noir de l'été ». Le noir de l'été. Alors il mit quelques secondes avant de réaliser qu'il s'agissait en effet d'un roman qu'il avait écrit jadis, son premier livre, c'était si loin. J'ai beaucoup aimé Le noir de l'été, ce nom qui figure dans votre carnet d'adresses et dont nous avons parlé, Torstel, vous l'avez utilisé dans Le noir de l'été. D'Aragan n'en avait aucun souvenir, pas plus d'ailleurs que du reste du livre. Vous en êtes sûr ? Et vous ne faites que citer ce nom. Il faudrait que je relise Le noir de l'été, mais je n'en ai plus un seul exemplaire. Je pourrais vous prêter le mien. Le ton parut à d'Aragan plus sec, alors presque insolent. Il se trompait sans doute à cause d'une trop longue solitude. Il n'avait parlé à personne depuis le début de l'été. Vous devenez méfiant et ombrageux vis-à-vis de vos semblables et vous risquez de commettre à leur égard une erreur d'appréciation. Non, ils ne sont pas aussi méchants que ça. Alors hier, nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans le détail, mais qu'est-ce que vous lui voulez donc à ce Torstel ? D'Aragan avait retrouvé sa voix enjouée. Il suffisait de parler avec quelqu'un. C'était un peu comme les mouvements de gymnastique qui vous rendent votre souplesse. Alors, apparemment, il est mêlé à un ancien fait divers. La prochaine fois que nous nous verrons, je vous montrerai tous les documents. Je vous ai dit que j'écrivais un article là-dessus. Ainsi, cet individu désirait le revoir. Alors, pourquoi pas ? Depuis quelque temps, il éprouvait une certaine réticence à la pensée que de nouveaux venus puissent entrer dans sa vie. Mais à d'autres moments, il se sentait encore disponible. Ça dépendait des jours. Il finit par lui dire « Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je dois m'absenter 2 jours à cause de mon travail. Je vous téléphone à mon retour et nous prenons rendez-vous. Ben, si vous voulez. » Il n'était plus dans les mêmes dispositions qu'hier. Il avait sans doute été injuste avec ce Gilles Ottolini. Il l'avait vu sous un mauvais jour. Cela tenait à la sonnerie du téléphone de l'autre après-midi qu'il avait brutalement sorti de son demi-sommeil. Une sonnerie si rare depuis quelques mois qu'elle lui avait fait peur. Elle lui avait semblé aussi menaçante que si l'on était venu frapper à sa porte à l'aube. Il n'avait pas envie de relire Le noir de l'été. Quand bien même cette lecture lui donnerait l'impression que le roman avait été écrit par un autre. Il demanderait tout simplement à Gilles Ottolini de lui photocopier les pages où il était question de Torstel. Cela suffirait-il à évoquer quelque chose pour lui ? Il ouvrit son carnet à la lettre T, souligna au stylo bille bleue Guy Torstel 423-40-55 et ajouta à côté du nom un point d'interrogation. Il avait recopié toutes ses pages d'après un ancien carnet d'adresses en supprimant les noms des disparus et les numéros périmés, et sans doute ce Guy Torstel s'était-il glissé tout en haut de la page à cause d'une minute d'inattention de sa part. Faudrait retrouver l'ancien carnet d'adresses qui devait dater d'une trentaine d'années. Et peut-être la mémoire lui reviendrait-elle quand il verrait ce nom parmi d'autres noms du passé. Mais il n'avait pas le courage aujourd'hui de fouiller dans les armoires et les tiroirs, encore moins de relire le noir de l'été. D'ailleurs, depuis quelque temps, ses lectures s'étaient réduites à un seul auteur, Buffon. Il y trouvait beaucoup de réconfort, grâce à la limpidité du style, et il regrettait de n'avoir pas subi son influence. Écrire des romans dont les personnages auraient été des animaux et même des arbres ou des fleurs. Si on lui avait demandé aujourd'hui quel écrivain il aurait rêvé d'être, il aurait répondu sans hésiter « un Buffon des arbres et des fleurs ». Vous écoutez France Culture, une soirée spéciale consacrée à Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Modiano, à quoi pensiez-vous pendant que vous écoutiez cette lecture ? Est-ce qu'elle a produit le même effet que la première lecture de cette soirée ? Oui, parce que en l'écoutant, il éclairait beaucoup de choses que j'avais écrites sans de trop près, et de l'entendre comme s'il avait mis des temps, c'est un peu comme une partition, on n'a pas mis beaucoup, c'était un peu vague comme ça, et lui, il a mis les temps, il a interprété un peu comme un... comme un musicien. Enfin, comme, donc ça fait une drôle d'impression. On a l'impression que c'est qu'on n'est pas le, que oui que c'est quelqu'un d'autre. Enfin, que c'est lui qui a créé. On est un peu étonné de parce qu'on avait l'impression que tout était un peu confus, puis là, ça devient brusquement, grâce à sa voix, à sa manière de justement de mettre les temps, de cette espèce de musique qui est, ça fait un drôle d'effet. Nous sommes entrés, Patrick Modiano, tout à l'heure, nous sommes entrés non pas par la place du Châtelet, mais oui. Nous sommes passés par le quai de Gesvres. Nous sommes entrés au numéro 16, et je pense que ça a dû vous faire le même effet que oui. Moi. Ça vous a rappelé un souvenir. Il y a un numéro du quai de Gesvres, le numéro oui. 12, qui est très important dans Dora Bruder. Oui, c'est vous nous racontez ? Oui, c'est-à-dire que le numéro 12, en fait, c'est un bâtiment où on avait établi, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était un département de la, oui, de la, où la police était mineure, en fait. Et dans le livre de Dora Bruder, effectivement, il y a une sorte de résumé enfin, apparemment, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais on avait demandé, comme c'était une fille mineure qui avait fait une fugue, à un moment donné, il y avait un rapport comme quoi il fallait la transférer au département, enfin au 12 quai de Gesvres, qui est le, et en fait je ne sais pas, alors est-ce qu'elle est passée par là, je peux vous dire ce que oui. Patrick Modiano a écrit. Il oui. a écrit. Oui, oui, ce sera c'est plus clair. Ce sera plus... Ah non, pas du tout. Non, non, j'apporte juste mon souvenir assez précis. Il a écrit à la fin de Dora oui. Bruder que le 18 ou peut-être le 19 juin 1942, elle était passée effectivement au service de protection de l'enfance et que oui. c'était peut-être là qu'un fourgon cellulaire oui, l'avait alors, emmenée malheureusement, jusqu'à la prison des Tourelles. Malheureusement, je... Après, j'ai réfléchi, je pense que si on l'a... c'était un peu... si on l'avait emmenée là, peut-être qu'elle aurait... Enfin, je ne sais pas ce que... Je crois que ça a été beaucoup plus rapide, en fait, parce que là... En fait, il aurait... C'était une fille qui avait fait une fugue, donc si elle avait été amenée à la protection des mineurs, elle aurait été un peu... comme toutes les filles qui ont fait des fugues. Et donc, mais malheureusement, je crois que ça s'est passé d'une manière plus brutale, c'est-à-dire que je pense qu'elle elle n'a même pas été emmenée là, en fait. Elle n'est même pas passée quai de Gesvres. Non, parce que ça supposerait qu'elle aurait été une fugue, enfin, qu'on l'aurait simplement arrêtée parce qu'elle faisait une fugue, mais c'était plus grave que ça, en fait. Mais en fait, oui. c'est important que Dora Bruder soit une jeune fille fugueuse, oui. d'une part, parce que c'est comme ça que vous avez eu connaissance de son existence, oui, oui. par cette petite annonce de ses parents en la fait, recherchant. J'ai lu par hasard dans un journal qui datait de l'occupation un avis de recherche d'une fille de 15 ans, donc j'ai tout de suite pensé qu'elle avait fait une fugue, puisque... Et je dois dire que c'est surtout c'est autant le, bien sûr c'était l'occupation, mais ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a tout de suite attiré de la sympathie pour elle, c'est le fait qu'elle ait fait une fugue, parce que c'est lié à aussi à cet âge où moi-même aussi, dans des circonstances à une époque beaucoup plus clémente que celle qu'elle a vécue, je me suis senti c'est vrai que j'avais fait des fugues comme on en fait tous vers 14-15 ans et, enfin, presque et, tous et donc c'est enfin presque tous et donc c'est ça qui m'a sauté aux yeux parce qu'au fond je savais rien d'elle sauf que c'était une fille qui avait dû faire une fugue dans ce Paris de l'occupation, et donc ça prenait une proportion plus, encore plus sombre, évidemment, que les fugues qu'on pouvait faire de gens de mon âge dans les années, à la fin des années 50. Mais c'est surtout cette histoire de fugue qui avait attiré mon attention et avec laquelle je m'étais senti un peu solidaire. Est-ce que Paris est une bonne ville pour fuguer ? C'est-à-dire que c'est pour quelqu'un de... Oui, moi, si j'en... Yuki, dans le Café de la Jeunesse perdue, elle fugue elle aussi. Il y a beaucoup de fugueuses dans vos romans. Oui, c'est des... parce qu'on évidemment, on pense souvent à des souvenirs d'adolescence et tout ça, mais c'est une ville, au moment de d'une fugue quelconque où on hésite, ça devient une ville assez, pour quelqu'un qui a fugué, évidemment, c'est une ville qui devient très vite menaçante, puisqu'on est surtout à la fin des années 50, c'est bizarrement, c'est avec peut-être ce genre d'expérience qu'on sent qu'on est encore plus frappé par la ville. C'est-à-dire, on est toujours obligé, quand on est un romancier, on utilise évidemment certaines choses de votre propre vie. Et dans la ville, il y a évidemment à Paris, comme dans toutes les villes, quand on est enfant, il y a toujours un sentiment de peur un peu. Quand j'étais enfant, j'essayais de marcher dans les rues, d'aller de plus en plus loin tout seul, mais il y avait une espèce de peur qui faisait que j'essayais d'aller toujours un peu plus loin, de m'efforcer d'être toujours... Ça n'allait pas très loin, mais enfin, le fait d'être un enfant... Et donc, les premières impressions... qu'on peut avoir d'une ville, en l'occurrence c'était Paris puisque c'était ma ville natale, c'était une impression de, à la fois de fascination et en même temps de peur. Et plus tard, au moment de l'adolescence, évidemment, enfin, ou de la préadolescence, vers 13-14 ans, quand on fait une fugue et tout ça, on se retrouve... on se coupe un peu, parce que la fugue est une forme de coupure, et qu'on se retrouve dans une ville comme ça, et finalement, on finit par rentrer chez soi. Mais on éprouve aussi cette peur et ces sensations qui font que la ville vous marque. Il y a une sorte de sensation que vous ne pouvez pas oublier, et en même temps, c'est une sensation qui vous fait découvrir la ville, bizarrement. Alors, bien entendu, Dora Bruder, dont une rue portera bientôt le nom. Dora Bruder, après avoir été une jeune fille fugueuse, jeune fille juive fugueuse, a donc été arrêtée, emmenée à Drancy, puis déportée à Auschwitz en septembre 1942, où elle a été gazée. Est-ce que vous avez su, après le livre, après la parution du livre, est-ce que vous avez appris des choses nouvelles sur Dora Bruder qui n'auraient jamais été écrites ? Du coup. Oui, après l'apparition du livre, j'ai pu avoir d'autres renseignements, quelques renseignements plus précis, mais j'ai hésité, si vous voulez, parce que je pensais qu'il fallait garder. Quelquefois, il y a des choses un peu. Il y a des blancs comme ça, qui font que. Parce qu'en fait, ce n'est ni un livre d'histoire, ni un livre. C'est plutôt une sorte de recherche de quelqu'un. Et pour rendre cette recherche plus sensible, il faut quelquefois même qu'il y ait des inexactitudes. C'est comme quelqu'un qui essaye de rechercher quelqu'un où il n'y a presque pas d'indices. Et pour rendre la chose plus... pour la faire revivre plus, en fait, je pense que... il ne fallait pas rajouter des détails comme un historien, il fallait au contraire garder cette espèce d'incertitude dans la recherche qui faisait qu'elle pouvait être plus elle pouvait plus revivre de cette manière-là, en fait. Alors, pour conclure cette soirée, Patrick Modiano, nous allons entendre un extrait de Dora Bruder. Et je remercie infiniment Catherine Deneuve d'avoir accepté de venir ce soir pour nous le lire. Catherine Deneuve. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombée à la page 3 sur une rubrique, d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu « Paris, on recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toutes indications à monsieur et madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Dans mon enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen. Nous descendions de l'autobus à la porte de Clignancourt et quelquefois devant la mairie du 18e arrondissement. C'était toujours le samedi ou le dimanche après-midi. En hiver, sur le trottoir de l'avenue, le long de la caserne Clignancourt, dans le flot des passants, se tenait avec son appareil à trépied le gros photographe au nez grumeleux et aux lunettes rondes qui proposait une photo souvenir. L'été, il se postait sur les planches de Deauville, devant le bar du Soleil. Il y trouvait des clients, mais là, porte de Clignancourt, les passants ne semblaient pas vouloir se faire photographier. Il portait un vieux par-dessus et l'une de ses chaussures était trouée. Je me souviens du boulevard Barbès et du boulevard Ornano désert, un dimanche après-midi de soleil en mai 1958. À chaque carrefour, des groupes de gardes mobiles à cause des événements d'Algérie. J'étais dans ce quartier l'hiver 1965. J'avais une amie qui habitait rue Championnet, Ornano 49-20. Déjà, à l'époque, le flou des passants du dimanche, le long de la caserne, avait dû emporter le gros photographe, mais je ne suis jamais allée vérifier. À quoi avait-elle servi, cette caserne ? On m'avait dit qu'elle abritait des troupes coloniales. Janvier 1965. La nuit tombait vers 6 heures sur le carrefour du boulevard Ornano et de la rue Championnet. Je ne disais rien. Je me confondais avec ce crépuscule, ces rues. Le dernier café au bout du boulevard Ornano, côté numéro pair, s'appelait Verse Toujours. À gauche, au coin du boulevard Ney, il y en avait un autre, avec un jukebox. Au carrefour Ornano-Championnet, une pharmacie, 2 cafés, l'un plus ancien, à l'angle de la rue du M. Ce que j'ai pu attendre dans ces cafés. Très tôt le matin, quand il faisait nuit, en fin d'après-midi, à la tombée de la nuit, plus tard, à l'heure de la fermeture. Le dimanche soir, une vieille automobile de sport noir, une Jaguar, me semblait-il, était garée rue Championnet à la hauteur de l'école maternelle. Elle portait une plaque à l'arrière, GIG, Grand Invalide de Guerre. La présence de cette voiture dans le quartier m'avait frappée. Je me demandais quel visage pouvait bien avoir son propriétaire. À partir de 9 heures du soir, le boulevard était désert. Je revois encore la lumière de la bouche du métro Simplon et presque en face celle de l'entrée du cinéma Ornano 43. L'immeuble du 41 précédent, le cinéma, n'avait jamais attiré mon attention et pourtant je suis passée devant lui pendant des mois, des années, de 1965 à 1968. Adressez toutes indications à monsieur et madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. D'hier à aujourd'hui, avec le recul des années, les perspectives se brouillent pour moi. Les hivers se mêlent l'un à l'autre, celui de 1965 et celui de 1942. En 1965, je ne savais rien de Dora Bruder. Mais aujourd'hui, 30 ans après, il me semble que ces longues attentes dans les cafés du Carrefour Ornano, ces itinéraires toujours les mêmes, je suivais la rue du Mont-Cenis pour rejoindre les hôtels de la butte Montmartre, l'hôtel Roma, l'Alcina ou le Terrasse, rue Caulaincourt, et ces impressions fugitives que j'ai gardées. Une nuit de printemps où l'on entendait des éclats de voix sous les arbres du square Clignancourt, et l'hiver de nouveau, à mesure que l'on descendait vers Simplon et le boulevard Ornano. Tout cela n'était pas dû simplement au hasard. Peut-être, sans que j'en éprouve encore une claire conscience, étais-je sur la trace de Dora Bruder et de ses parents. Ils étaient là, déjà, en filigrane. J'essaye de trouver des indices, les plus lointains dans le temps. Vers 12 ans, quand j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Clignancourt, un juif polonais vendait des valises, à droite, au début de l'une de ses allées bordées de stands, marché Malik, marché Vernaison. Des valises luxueuses en cuir, en crocodile, d'autres en carton bouilli. des sacs de voyage, des malles cabines portant des étiquettes de compagnies transatlantiques, tout empilées les unes sur les autres. Son stand à lui était à ciel ouvert. Il avait toujours au coin des lèvres une cigarette, et un après-midi, il m'en avait offert une. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existaient. Il suffit d'un peu de patience. Ainsi, j'ai fini par savoir que Dora Bruder et ses parents habitaient déjà l'hôtel du boulevard Ornano dans les années 1937 et 1938. Ils occupaient une chambre avec cuisine au cinquième étage, là où un balcon de fer court autour des deux immeubles. Une dizaine de fenêtres à ce cinquième étage. Deux ou trois donnent sur le boulevard et les autres sur la rue du Simplon. Ce jour de mai 1996, où je suis revenue dans le quartier, les volets rouillés des deux premières fenêtres du cinquième étage, qui donnaient rue du Simplon, étaient fermés. Et devant ces fenêtres, sur le balcon, j'ai remarqué tout un amas d'objets hétéroclites qui semblaient abandonnés là depuis longtemps. Au cours des deux ou trois années qui ont précédé la guerre, Dora Bruder devait être inscrite dans l'une des écoles communales du quartier. J'ai écrit une lettre au directeur de chacune d'elles en lui demandant s'il pouvait retrouver son nom sur les registres. 8 rue Ferdinand Flocon, 20 rue Hermel, 7 rue Championnet, 61 rue Clignancourt. Ils m'ont répondu gentiment. Aucun n'avait retrouvé ce nom dans la liste des élèves des classes d'avant-guerre. Enfin, le directeur de l'ancienne école de filles du 69 rue Championnet m'a proposé de venir consulter moi-même les registres. Un jour, j'irai, mais j'hésite. Je vais encore espérer que son nom figure là-bas. C'était l'école la plus proche de son domicile. J'ai mis 4 ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, le 25 février 1926. Et 2 ans ont encore été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance. Paris, 12e arrondissement. Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. Un vendredi après-midi de février 1996, je suis allée à la mairie du 12e arrondissement, service de l'état civil. Le préposé de ce service, un jeune homme, m'a tendu une fiche que je devais remplir. Demandeur au guichet, mettez votre nom, prénom, adresse. Je demande la copie intégrale d'acte de naissance concernant nom Bruder, prénom Dora, date de naissance 25 février 1926. Cochez si vous êtes l'intéressé demandeur, le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, le fils ou la fille, le conjoint ou la conjointe, le représentant légal. Vous avez une procuration plus une carte d'identité de l'intéressé. En dehors de ces personnes, il ne sera pas délivré de copie d'acte de naissance. J'ai signé la fiche et je la lui ai tendue. Après l'avoir consultée, il m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner la copie intégrale de l'acte de naissance. Je n'avais aucun lien de parenté avec cette personne. À un moment, j'ai pensé qu'il était l'un de ces sentinelles de l'oubli chargés de garder un secret honteux et d'interdire à ceux qui le voulaient de retrouver la moindre trace de l'existence de quelqu'un. Mais il avait une bonne tête. Il m'a conseillé de demander une dérogation au palais de justice. 2 boulevards du palais, 3e section de l'état civil, 5e étage, escalier 5, bureau 501. Du lundi au vendredi, de 14 à 16 heures. Le 25 février 1926, 21h10, est née rue Santerre 15, Dora, de sexe féminin, de Ernest Bruder, née à Vienne, en Autriche, le 21 mai 1899, Manœuvre, et de Cécile Burgey, née à Budapest, Hongrie, le 17 avril 1907, sans profession. Son épouse domiciliée à Sevran, Seine-et-Oise, avenue Liégeard, 2. Dressée le 27 février 1926, 15h30, sur la déclaration de Gaspard Meyer, 73 ans, employé domicilié rue de Picpus, 76, ayant assisté à l'accouchement, qui, lecture faite, a signé avec nous Auguste Guillaume Rosy, adjoint au maire du 12e arrondissement de Paris. Le 15 de la rue Santerre est l'adresse de l'hôpital Rothschild. Dans le service maternité de celui-ci sont nés à la même époque que Dora de nombreux enfants de familles juives pauvres qui venaient d'immigrer en France. Il semble qu'Ernest Bruder n'ait pas pu s'absenter de son travail pour déclarer lui-même sa fille ce jeudi 25 février 1926 à la mairie du 12e arrondissement. Peut-être trouverait-on sur un registre quelques indications concernant Gaspard Meyer qui a signé au bas de l'acte de naissance, le 76 rue de Picpus, là où il était employé et domicilié, était l'adresse de l'hospice de Rothschild créé pour les vieillards et les indigents. Les traces de Dora Bruder et de ses parents cet hiver de 1926 se perdent dans la banlieue nord-est, au bord du canal de l'Ourcq. Un jour, j'irai à Sevran, mais je crains que là-bas, les maisons et les rues aient changé d'aspect, comme dans toutes les banlieues. Voici les noms de quelques établissements, de quelques habitants de ce temps-là. Le Trianon de Frainville occupait le 24. Un café, un cinéma. Au 31, il y avait les caves de l'Île-de-France. Un docteur Joran était au 9. Un pharmacien Platel au 30. Cette avenue Léjard où habitaient les parents de Dora faisait partie d'une agglomération qui s'étendait sur les communes de Sevran, de Livry-Gargan et d'Aulnay-sous-Bois, et que l'on avait appelée Frainville. Le quartier était né autour de l'usine de frein Westinghouse, venue s'installer là au début du siècle. Un quartier d'ouvriers. Il avait essayé de conquérir l'autonomie communale dans les années 30 sans y parvenir. Alors il avait continué de dépendre des trois communes voisines. Il avait quand même sa gare, Frainville. Ernest Bruder, le père de Dora, était sûrement cet hiver de 1926, manœuvre à l'usine de frein de Westinghouse. Longtemps, je n'ai rien su de Dora Bruder après sa fugue du 14 décembre et l'avis de recherche qui avait été publié dans Paris Soir. Puis j'ai appris qu'elle avait été internée au camp de Drancy, 8 mois plus tard, le 13 août 1942. Sur l'affiche, il était indiqué qu'elle venait du camp des Tourelles. Ce 13 août 1942, en effet, 300 juifs avaient été transférés du camp des Tourelles à celui de Drancy. La prison, le camp, ou plutôt le centre d'internement des Tourelles, occupait les locaux d'une ancienne caserne d'infanterie coloniale, la caserne des Tourelles, au 141 boulevard Mortier, à la porte des Lilas. Il avait été ouvert en octobre 1940 pour interner des juifs étrangers en situation irrégulière. Mais à partir de 1941, quand les hommes seront envoyés directement à Drancy ou dans les camps du Loiret, seules les femmes juives qui auront contrevenu aux ordonnances allemandes seront internées aux Tourelles, ainsi que des communistes et des droits communs. À quel moment et pour quelle raison exacte Dora Bruder avait-elle été envoyée aux Tourelles? Je me demandais s'il existait un document, une trace qui m'aurait fourni une réponse. J'en étais réduit aux suppositions. On l'avait sans doute arrêtée dans la rue. En février 1942, les Allemands avaient promulgué une ordonnance interdisant aux Juifs de Paris de quitter leur domicile après 20 heures et de changer d'adresse. La surveillance dans les rues était donc devenue plus sévère que les mois précédents. J'avais fini par me persuader que c'était en ce glacial et lugubre mois de février où la police des questions juives tendait des traquenards dans les couloirs du métro, à l'entrée des cinémas ou à la sortie des théâtres, que Dora s'était fait prendre. Il me paraissait même étonnant qu'une fille de 16 ans, dont la police savait qu'elle avait disparu en décembre et connaissait le signalement, ait pu échapper aux recherches pendant tout ce temps. À moins d'avoir trouvé une planque, mais laquelle, dans ce Paris de l'hiver 1941-1942, qui fut le plus ténébreux et le plus dur hiver de l'occupation, avec dès le mois de novembre des chutes de neige, une température de moins 15 en janvier, l'eau gelée partout, le verglas, la neige de nouveau en grande abondance. Au mois de février, quel était donc son refuge? Et comment faisait-elle pour survivre dans ce Paris-là? C'était en février, pensais-je, qu'ils avaient dû la prendre dans leur filet. Ils, cela pouvait être aussi bien de simples gardiens de la paix que les inspecteurs de la brigade des mineurs ou de la police et des questions juives qui faisaient un contrôle d'identité dans un lieu public. J'avais lu dans un livre de mémoire que des filles de 18 ou 19 ans avaient été envoyées aux Tourelles pour de légères infractions aux ordonnances allemandes. Et même quelques-unes avaient 16 ans, l'âge de Dora. Ce mois de février, le soir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance allemande, mon père avait été pris dans une rafle aux Champs-Élysées. Les inspecteurs de la police des questions juives avaient bloqué les accès d'un restaurant de la rue de Marignan où il dînait avec une amie. Ils avaient demandé leurs papiers à tous les clients. Mon père n'en avait pas sur lui. Il l'avait embarqué dans le panier à salade qui l'emmenait des Champs-Élysées à la rue Griffule, siège de la police des questions juives. Il avait remarqué parmi d'autres ombres une jeune fille d'environ 18 ans. Il l'avait perdue de vue quand on les avait fait monter à l'étage de l'immeuble qu'occupait cette officine de police et le bureau de son chef, un certain commissaire Schwiblin. Puis il avait réussi à s'enfuir, profitant d'une minuterie éteinte, au moment où il redescendait l'escalier et où il allait être mené au dépôt. Mon père avait fait à peine mention de cette jeune fille lorsqu'il m'avait raconté sa mésaventure pour la première et la dernière fois de sa vie, un soir de juin 1963, où nous étions dans un restaurant des Champs-Élysées, presque en face de celui où il avait été appréhendé 20 ans auparavant. Il ne m'avait donné aucun détail sur son physique, sur ses vêtements. J'avais presque oublié, jusqu'au jour où j'ai appris l'existence de Dora Broder. Alors la présence de cette jeune fille dans le panier à salade avec mon père et d'autres inconnus, cette nuit de février, m'est remontée à la mémoire et bientôt je me suis demandé si elle n'était pas Dora Broder, que l'on venait d'arrêter elle aussi, avant de l'envoyer aux tourelles. Peut-être ai-je voulu qu'ils se croisent, mon père et elle, en cet hiver 1942. Si différents qu'ils aient été l'un et l'autre, on les avait classés cet hiver-là dans la même catégorie de réprouvés. Mon père non plus ne s'était pas fait recenser en octobre 1940. Et comme Dora Broder, il ne portait pas de numéro de dossier juif. Ainsi n'avait-il plus aucune existence légale, et avait-il coupé toutes les amarres avec un monde où il fallait que chacun justifie d'un métier, d'une famille, d'une nationalité, d'une date de naissance, d'un domicile. Désormais, il était ailleurs, un peu comme Dora après sa fugue. J'ignorais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret, un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui voler. Merci Samy Frey. Merci Patrick Modiano. Je voulais remercier ces deux interprètes qui m'ont, Samy Frey, Catherine Deneuve, qui m'ont mieux fait comprendre. Enfin, en les écoutant, je me suis mieux rendu compte de ce que j'écrivais. Et je voulais aussi vous remercier tous pour avoir eu la gentillesse de vous réunir ce soir. Paris Modiano, Aller Simple, une soirée spéciale proposée par France Culture avec la mairie de Paris et le Théâtre de la Ville, enregistrée en public au Théâtre de la Ville le 19 janvier 2015. Sandrine Trainer s'entretenait avec Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Catherine Deneuve lisait un extrait de Dora Broder. Samy Frey lisait des extraits de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier et dans le café de la jeunesse perdue. Une réalisation de Blandine Masson. Prise de son, montage et mixage, Bernard Legac, Andreas Jaffré, Clotilde Thomas. Sonorisation, Benjamin Perru, Stéphane Beaufils. Chargé de production, Rémi Gouriot. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Remerciements à Stéphane Fievet pour la mairie de Paris et à toute l'équipe du Théâtre de la Ville. Les œuvres de Patrick Modiano sont publiées aux éditions Gallimard. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission spéciale consacrée à Patrick Modiano sur le site franceculture.fr pendant une durée de 15 jours. Vous écoutez France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Chanson Boom et Hélène Azéra.